La soirée, vous avez kiffé ou pas? Ouais, nerveux la soirée, nerveux. J'aime bien. Bonjour les gars. Bonjour, c'est nous. Mais les gars, ramenez de l'argent la prochaine fois. Ouais. Bon, frérot, tu vas au studio? J'étais au studio hier, gros. T'as eu de la chaleur avec toi, on danse et tout, mais pas de studio, frérot. Non, j'étais au studio hier. Arrête. Ouais? T'as fait quoi là-bas? T'inquiète, tu fais du sale. Et là, tu fais des snaps. C'est pas des snaps qu'on attend. Il y a Moudé qui sort. Moudé, ça se prend. Ça se prend. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Pourquoi patienter? On a assez patienté, bébé. Je crois que c'est l'heure de se rapprocher. Qu'est-ce qu'on attend? Je fais que de me questionner. J'ai tout pour te combler, bébé. C'est bon, faut visualiser. Mon cœur, je te l'ai déjà donné. Ton cœur, tu me l'as donné. Mes défauts, tu connais. Tu m'as quand même aimé. Ta famille m'a validé. On va s'organiser. Pour nous, tellement d'idées. Baby, let's go. Si je rentre tard, bébé. T'inquiète pas, bébé. Pense à toi, tu sais. Pense à toi, tu sais. Si je rentre tard, bébé. T'inquiète pas, bébé. Pense à toi, tu sais. Pense à toi. Baby, me dis pas non. J'attendais ça depuis longtemps. Il sera ma wife, il a pas grand diamant. Tu seras la mère de mes enfants. Baby, me dis pas non. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Baby, me dis pas non. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Oh. Raison, j'ai misé sur toi. Je crois que j'avais raison, nous deux sous le même toit. De toi je peux pas me lasser, on fait les quatre saisons. Ça vient de commencer, oui baby notre heure est arrivée. C'était tout ce qu'on voulait, mais rien n'est arrivé. Je fais tout ça sans compter, je te dirai la vérité. Oui je t'ai mérité, te blesser je vais éviter. Baby let's go, si je rentre tard baby. T'inquiète pas baby. Pense à toi, tu sais. Pense à toi, tu sais. Si je rentre tard, bébé. T'inquiète pas, bébé. Pense à toi, tu sais. Pense à toi. Baby, me dis pas non. J'attendais ça depuis longtemps. Et sois ma wife, il a pas grand diamant. Tu seras la mère de mes enfants. Baby, me dis pas non. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Moi, je vais tout gérer. Je serai ton roi et toi, tu seras ma reine. Laisse-moi, je vais tout gérer. Je serai ton roi et toi, tu seras ma reine. Laisse-moi, je vais tout gérer. Je serai ton roi et toi, tu seras ma reine. Laisse-moi, je vais tout gérer. Je serai ton roi et toi. Baby, me dis pas non. J'attendais ça depuis longtemps. Et sois ma wife, il a pas grand diamant. Baby, baby, me dis pas non. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Baby, me dis pas non. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Wow. Let's go. Me dis pas non. Me dis pas non. Me dis pas non. Attendez ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Ah, ah, non, non. Hey, les gars. Jessica, c'est un personne, fallait être là. Attends, j'arrive. La prochaine fois. Non, non, non.